Let's get crazy for a last time with Mirror, Mirror on the Wall! Oh, Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rock For Show, tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 sur Radio Beers. Bonsoir à tous les auditeurs québécois, bonsoir à tous les auditeurs de la planète et de l'univers, bonsoir Tom. Salut Phil. Tu vas bien? Depuis la semaine dernière? Ça va, depuis la semaine dernière, le concert de... De notre très Yann cher Armelino. Yann Armelino avec en première, rappelle-moi la première partie. Ah oui, c'était Fabien Taverne. Très bien, très bien. Cool. Autant au début, cool. Quand je suis arrivé, parce que moi je suis juste arrivé au tout début, j'ai dit bon, un oreiller, un lit, non, je fais une petite sieste. Mais autant après, il s'est déchaîné et c'était bien très cool bien. Avec quelques pépins techniques. Mais je crois qu'à Boule Noire, en fait, tout le monde a des pépins techniques ou presque. Parce que Yann a eu. Enfin, c'était rien ce qu'il a eu, il cherchait son capot, il l'a jamais trouvé. La semaine d'avant, on avait été voir One Last Shot et compagnie. Il y avait aussi des problèmes. Mais bon, la salle, elle est sympa. Oui, non, mais la salle surtout est cool, quand elle n'est pas pleine. Mais je pense que. Il faisait très chaud, mais quand elle n'est pas pleine, ça. Avec One Last Shot, elle était plus pleine qu'avec Yann. Ouais. Et puis, la veille, c'était quoi? C'était. Il y avait un autre concert. Missy Dizzy. Dizzy Miss Lizzy. C'était excellent, excellent groupe à revoir. Le groupe de première partie était... La prochaine fois, quand je viendrai. Moins bien. Mais bon, Dizzy Miss Lizzy, vraiment à revoir. Trio, excellent. Très très bon trio sur scène. Bon, ce soir, émission du 15 juin, c'est bientôt l'été. On est en direct. Ah oui, vous avez entendu le générique. Oui, vous avez entendu le début pour ceux qui de l'émission sont en de la direct semaine dernière. Avec nous, et le début de l'émission de la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'était une rediff. Et donc voilà. Et tous les podcasts sont désormais à jour. Voilà. Il y avait un petit retard dessus. Et oui, parce qu'on a eu des auditeurs qui ont râlé. Et plus l'émission qui a été en partie loupée à l'enregistrement au début a été rectifiée aussi. Voilà. Voilà. Donc vous avez tout en intégralité du Rock For Show. Presque, voilà. Vous avez le maximum du possible. Et je crois que Tom, il a enlevé les pains, parce qu'il en fait trop tous les jours, tous les matins, il en fait, toute la journée, il en fait. Mais c'est son métier, non, c'est normal. Pas les pains qu'on fait en direct, je les enlève pas forcément. Quand on fait de l'enregistrer, ouais, je peux les enlever parce que non, mais c'est moche. Je parlais pas des mêmes pains là. Oui. Je parlais de ceux que où tu laisses la croûte et qui sont vachement bons là. Ouais, ça c'est pas la même chose. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a écouté, très cher Phil? Attends, d'abord, bien, d'abord, on va préciser que cette émission c'est une émission 100% Zik nouveauté puisque tout le monde s'est barré au Hellfest en France, ou du moins beaucoup. Sachez que soyez prudents sur la route, hein, parce que nous on tient à vous revoir et à vous avoir comme auditeur à la rentrée et pendant les vacances. Oui, c'est ce soir que nos amis jouent, on a du monde qui joue ce soir. Oui, et bah, ils ont joué depuis hier même, hein. Ouais. Depuis, ça a commencé hier je crois pour L Session qui avait lieu sur le parking du Leclerc. Du Leclerc de Clisson. C'est le centre commercial le plus connu pour les métalleux, je crois. Voilà, donc y a déjà des petites vidéos qui tournent un petit peu sur ce qui s'est passé, donc allez les voir. Et puis sachez que le Hellfest est rediffusé sur Arte.tv, Arte.tv concert, donc vous pouvez aller les voir en direct à partir de demain midi. Et si vous avez un téléphone, un smartphone, une tablette et compagnie, Molotov, si vous voulez, une application pour regarder ça de loin et tout en étant très près. Voilà, et pour tous ceux qui ne prennent pas la route ce soir, et ben on vous a concocté ce spécial nouveauté avec que des nouveautés, hein, puisque là nous venons d'écouter Blind Guardian. Alors le morceau c'est pas une nouveauté, Mirror, c'est le morceau qui clôture tous les concerts de Blind Guardian depuis quelques années, depuis que le morceau est sorti je pense. Et c'est tiré de Live Beyond the Spheres, sorti chez Nuclear Blast le 2 juin. C'est un triple album de 22 titres pour célébrer les 14 ans depuis le dernier album live. En fait, c'est pour célébrer les 30 ans du groupe. Trois albums studio étaient séparés les deux lives. Hein, et donc, voilà, maintenant, ça fait 10 albums studio, plus 3 lives, plus des DVD. Enfin bref, une vraie, véritable carrière énorme pour Blind Guardian, la carrière qui a commencé en 1986. Sur du heavy prog, enfin qui a évolué, hein, parce qu'au départ c'était vraiment du pur heavy metal et puis ça a évolué sur du heavy prog. Voilà, excellentissime groupe allemand, Blind Guardian. Nous allons passer à ce que l'on entend en fond sonore, mon cher Tom, puisque c'est un groupe qui sera au Hellfest. Yes, Combat Kid, qui seront à Clisson. Je n'ai pas la date, je dois l'avoir un peu plus loin dans les autres pages. Je sais pas. Ça doit être ça. Qui sont originaires de chez nos amis Radio Biz, donc le Canada. Winnipeg, yes. Manitoba. C'est leur sixième album qui va arriver. Donc doit être extrait notamment ce titre dont titre tu vas m'en dire plus ou pas Phil? Non, je t'en dirai pas plus de ce titre là, je vais vous laisser le découvrir. On vous le repassera parce que l'album ne sort pas. C'est, en fait c'est le premier titre qu'ils ont donné sur internet et que nous en tant que journalistes on a reçu en avant-première. Donc je me suis dit bon allez hop, ça nous permet comme ça de parler du Hellfest et de passer une nouveauté de chez Nuclear Blast, donc il devrait sortir courant 2017, enfin deuxième semestre 2017. D'accord. Le groupe s'est formé en 2002, voilà, et puis allez les découvrir à Clisson. Nous allons enchaîner avec une autre grosse nouveauté, beaucoup d'Allemands hein, ce soir, beaucoup d'Allemands et beaucoup d'Américains. Rage qui nous sort son 24e album, 11 titres. L'album s'appelle Seasons of the Black et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom, Blackened Karma, sorti donc le 28 juin, donc vous voyez hein, ça sortira le 28 juin et c'est leur 24e album, il y a 11 titres et il y a 6 titres bonus sur un CD. Oui c'est ça. Ça c'est pour le titre bonus et c'est du live je crois. Ah non, c'est les titres du premier groupe en fait avant que ça devienne Rage. D'accord. Il y a eu deux albums qui sont sortis sous le nom d'Avenger et donc ce sont des titres d'Avenger qui sont revisités sur ce bonus 6 titres. D'accord, voilà. Ok. Le groupe est allemand bien entendu, il s'est formé en 1983 et ils font du heavy speed, toujours avec Pivi Wagner, le seul membre d'origine, mais c'est toujours un trio. Alors il doit y avoir un Espagnol maintenant et puis un Russe qui joue dans le groupe. C'est marrant parce que c'est toujours un groupe allemand, mais bon. On continue avec un autre groupe allemand, Primal Fear, Monsieur Ralph Schepers et Matt Sinner, qui nous ont sorti un nouveau live qui s'appelle Angels of Mercy Live in Germany. Et le titre que je vous propose de découvrir, eh bien c'est le titre éponyme. Angel in Black. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire dessus? Ça sort chez Frontiers, c'est sorti chez Frontiers. Et quoi d'autre? Ils ont 11 albums studio à leur actif, c'est leur deuxième album live avec 15 titres dessus. Ouais. Formé en 97, c'est un sextet power mélodique. Et ces Allemands, on les retrouve avec Matt Sinner et Ralph Schepper. Voilà, c'est bien, monsieur, c'est bien. On enchaîne avec un Américain du nom de Alice Cooper. Plus connu que connu. Oui, bien sûr, monsieur Vincent Furnier, parce que sa maman est française, je crois, si mes souvenirs sont bien. Ouais. C'est après, monsieur, j'ai pas goûté, monsieur Vincent Fournier, c'est son vrai nom en fait. D'accord. Voilà. C'est tiré de son tout dernier album qui lui va sortir le 28 juillet. Hein. Ça s'appelle Paranormal, le titre de l'album, et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, le premier titre extrait de cet album Paranormal, s'appelle Paranoïaque. Personality. Oui, ça sort chez ERR Music. C'est du hard rock, bien entendu. Le groupe s'est formé en 1964. Ça te rajeunit pas tout ça hein? T'étais même pas né, t'étais même pas encore en pensée. Non, parce que moi je suis né presque à l'époque de Black Jordan qu'on a entendu en ouverture. Voilà. Et bah moi, je naquis quelques années plus tard. C'est un groupe donc américain de Détroit. Enfin, c'est un personnage qui vient du Michigan. Alors là, je peux pas vous dire combien il y a d'albums studio et tout ça, parce qu'il y en a énormément. Mais alors pour cet album, par contre, il est composé d'un album plus un CD de bonus où on retrouve deux titres inédits, 6 lives de l'original Alice Cooper Band, c'est-à-dire qu'avec la première formation. L'album est disponible en double CD, double LP, plus CD bonus, avec des versions live, ainsi que un coffret limité, 2 CD Digipack, plus un t-shirt en XL. Voilà. En gros, tu en veux, mais tu en auras. Quoi. Voilà. Tu l'achètes, mais tu en prends plein la gueule. Et sur ce CD, bah, vous allez pouvoir retrouver des invités d'honneur, puisqu'il y a Billy Gibbons, le guitariste de ZZ Top. Vous avez le batteur de U2, Larry Mullen, et le bassiste de Deep Purple, Roger Glover, ainsi que les retrouvailles avec les anciens membres donc de l'original Alice Cooper Band. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a 3 concerts en France. Il y en aura un à Lyon le 1er décembre, un à Paris le 3 décembre, ce sera à la salle Playel, et un deuxième à Paris le 7 décembre, ce sera à l'Olympia. Voilà, ça peut être sympa. Je pense qu'on vous a tout dit sur Alice Cooper et on va vous laisser en musique. Donc je pense que ces concerts peuvent être sympas. Ah, très, très, très. Surtout celui de la salle Playel. Mais je crois qu'il est déjà complet, hein, celui de la salle Playel. Merde. Il vous restera donc celui de l'Olympia. On part tout de suite en musique, donc on commence avec Rage, on enchaîne avec Primal Fear et on termine avec Alice Cooper. On se retrouve tout de suite après. Musique. The death of the the back of their mind. Everybody's got something up their sleeve. Yeah. Everybody's got tangled wires, tight as they can wind. And all of them trying to strangle me. Rumors dripping off of their tongue. Everybody can't wait to see me run. Yeah. Everybody's got loaded stories, and I know for a fact everybody sees a bullseye on my back. Yeah. I'm smelling a conspiracy, telling lies about me constantly. They're stalking me, I see you there. Don't you know that feeds my paranoid personality? Retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 avec Tom et Phil. Et vous venez d'écouter Rage, Primal Fear et Alice Cooper, trois titres issus de leur tout dernier album, pas encore sorti dans le commerce. Ah si si, pour Blind Guardian c'est déjà sorti. Moi qui pensais avoir Alice Cooper pour mon anniversaire dans mon salon. Bah, c'est j'aurais pu, mais il aurait fallu que je me grime. Bergen. merde. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Océan, c'est un groupe français. Bien évidemment, ils seront en concert, mon cher Tom. Ils seront en concert à la Dame de Canton. Donc allez voir cette jolie dame qui se trouve quai de la Seine, quai de la gare, en face de la BNF, la Bibliothèque Nationale Française, autrement dit François Mitterrand. Paix à son âme. Et c'est quand ? C'est le 16 juin, c'est-à-dire demain. Voilà, bravo. Si je ne m'abuse. Bravo. Voilà, et c'est au tarif de 5-6 euros. C'est pas cher. Ça. Hein, allez voir les. Avec une première partie, si je ne m'abuse. Ouais, mais tu l'as pas. Non. Voilà, non, donc, j'ai rien, donc me parle pas des premières parties si on les a pas. Mais ça sert à rien. Théoriquement, il y a une première partie. Ouais, je pense. Et il y aura un after aussi après. Il y aura un after. Ouais, il y en aura un after. Ouais. Allez, on continue dans les nouveautés avec quelque chose qui ne sortira que le 28 juillet. Le groupe s'appelle Shaman Harvest. On avait craqué sur le dernier album. Enfin, maintenant, ce sera l'avant-dernier album. Et l'album qui va sortir donc au mois de juillet s'appelle Red Hands Black Deeds. Ça sort toujours chez Mascot Records. C'est le 6e album du groupe. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle... The Come Up. Exactement. Alors, il marque métal alternatif, pas du tout. Hein. Moi, c'est du bon rock'n'roll, c'est excellent. Le groupe s'est formé en 1996. Ils nous viennent des États-Unis, de Jefferson City, dans le... Missouri. Missouri, excuse-moi, ah. J'étais à l'ouest. Alors une Missouri, c'est une souris coupée en deux. Bon, on va vous rappeler le numéro de téléphone si vous voulez nous envoyer 06 des blagues. 06 81 01 28 34 06 81 01 28 34. Voilà, vous pouvez nous envoyer vos SMS, il n'y a rien de surtaxé, hein. C'est juste pour nous faire un petit coucou, peut-être nous dire si vous partez au Hellfest demain, ou nous dire ce que vous avez vu comme concert cette semaine, ou si vous voulez qu'on parle d'un concert en particulier à annoncer, bon, comme vous voulez. 06 81 01 28 34, ce soir, pas grand-chose à gagner, parce qu'on sait que vous êtes tous au Hellfest, donc... Ou presque, pour les Français, presque. Tu parles, hein. Parce qu'après, il y a oui, les étrangers. Oui, oui, oui. Il faudrait qu'on essaye de faire gagner les étrangers, quand même, très bien. Ceux oui, qui mais nous ça écoutent, coûte cher à l'envoi. Je tiens à vous le dire, parce que je l'ai fait, et je vais vous dire, ça coûte très cher à l'envoi. Nous allons continuer... Ou les avoir au téléphone. Nous allons continuer avec des nouveautés, avec Rings of Saturn. Alors, l'album s'appelle... Tiens, je vais te laisser le dire. Mon cher Tom. Ultu Oula. Et le titre inadéquat. Voilà, complètement. Ça sort chez Nuclear Blast le 28 juillet également. C'est le quatrième album du groupe. Il contient 10 titres. Ils nous viennent de Californie, de la Bay Area exactement. Et ils nous font du Technical Deathcore. Ils se sont formés en 2009. Et ensuite, nous revenons en France avec Z Family. Qui nous sort un nouvel album qui s'appelle Chapter 2 Origin. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom, s'appelle Chapter 2 Animal. Voilà. Voilà, et ça sort chez M&O Music. On n'a pas exactement la date, mais ça sera bientôt, peut-être d'ici le mois de septembre. Vous savez, c'est avec Z, guitariste, ex-guitariste de Dagoba, et donc le groupe nous vient de Marseille. Voilà, bah on y va tout de suite, maintenant sans plus attendre, c'est Shaman Harvest, suivi de Rings of Saturn et Z Family Music. Pushing and pulling at me. we go. De retour dans les studios, doux son du blues rock ou du rock blues comme vous préférez, c'est beaucoup plus rock que blues d'ailleurs. The Red Beans and Pepper Sauce, tiré de l'album Red. On vous en a passé un titre la semaine dernière, c'est sorti chez Crossroad Prod. Enfin, ça sortira, puisque ça sortira au mois de septembre, le 21 septembre 2017. Ils nous viennent de Montpellier, ils nous font du rock blues et ils seront surtout en concert le 24 juin. À Marne-la-Vallée, à Disney Village. Et je crois que Tom avait une petite blague sur Disney Village. À propos de Mickey. Hein, pourquoi? Quoi que tu dis? Hein, pourquoi Mickey Mouse? Hein? Bah, parce que Mario Bros. Ah, ça va faire ma soirée, tiens. Allez, bonne soirée. Bon, allez, vous venez d'écouter. C'est bonne. Shaman Harvest. Vous avez entendu ensuite. Rings of Saturn, et nous avons terminé avec Zed Family. Nous allons continuer encore avec des nouveautés plein la calebasse, plein la musette ce soir. J'espère que vous avez kiffé Rings of Saturn. Ah, c'était bien, hein, t'as vu, ça commence doucement. Puis c'est de la musique espagnole classique quand, ouais, t'entends, quand tu commences. Tu fais, ouais, c'est pas cool. Mal, c'est pas mal. C'est posé, c'est cool. Et après, au final, tu fais, bah non, j'ai changé peut-être. Non, allez, on va continuer avec des Français, avec Merrimack qui a sorti son nouvel album le 9 juin. Ça s'appelle Omegaphilia. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Gutters of Pain. Sorti chez Season of Mist. C'est le 5e album et qui tient 7 titres. Bon, ouais, ça peut être un EP aussi, hein, voilà. Non, parce que les morceaux sont longs. Ah d'accord, c'est au niveau terme de durée. C'est au niveau timing des morceaux. C'est un quintet de black metal, ils se sont formés en 94. Exactement, et ils nous viennent de Paris. Bien. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe allemand, comme son nom ne l'indique pas. Bah si, Stahlmann. Et comme son nom de l'album aussi indique, ce sont... Bastard. Et le titre qu'on va découvrir, c'est Bastard. L'album est sorti... Non, il va sortir... Demain. Non, demain, ça sort chez AFM. C'est le 4e album du groupe. Mais ce sera en 2017, hein, pas en 2007 comme tu as indiqué. Ouais, mais non, mais c'est 2017. Tout à fait, je me suis planté un peu là-dessus. Et ça fera, au niveau philo, ça fera moins 10 points. Voilà. Sûrement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, en fait, c'est pas l'album qui sort le 16, c'est juste la vidéo. Parce que l'album est déjà sorti au mois d'avril, je crois. Et donc, d'accord, c'est un groupe allemand. Et la vidéo donc, de Bastard sort demain pour tout le monde sur le net et partout. Okay. C'est un quintet électro-indus et ils se sont formés en 2008. Voilà. Ensuite, nous repartons en France. Mais alors là, avec les charmantes Freeze. Enfin, il y en a que deux charmantes. Hein, parce que si les mecs, on leur dit qu'ils sont charmantes, ils n'ont pas leur plaire. Quatre à l'origine, quand même. Mais à l'origine, ouais, elles étaient quatre. Donc là, c'est les Furies qui ont sorti une cassette. Eh ouais, une cassette de titres. On vous a passé le premier titre il y a 2 semaines. Et là, on vous passe le deuxième titre. Ça s'appelle Prince of the Middle East. Et c'est sorti le 26 mai. C'est une autoproduction et vous allez kiffer grave votre race avec ce heavy metal racé des Furies. On vous laisse, on vous rappelle le numéro de téléphone 06 81 01 28 34. Musique! Sicherheit. Nous sommes de retour à moins d'une heure de la fin du Rock 4 Show pour ce soir. Vous venez d'écouter Mary Mac suivi de Stallman et nous avons terminé avec Furies et ce que vous entendez en fond sonore, c'est The Dillinger Escape Plan qui sera au Hellfest donc dimanche. Et vous pourrez, pour ceux qui les ont ratés, parce qu'ils vont passer tard dans la nuit, je crois, vous pourrez les retrouver à Paris, mon cher Tom. Ils seront le 19, donc c'est lundi, chez Travendo. Donc ils jouent dans la nuit, c'est, en plus, c'est dimanche, ils jouent dimanche soir tard, ils ont joué à minuit et demi, je crois. Et ils rejouent le lendemain, donc à Paris. Ouais, donc c'est costaud. Ouais. Ouais. Mais c'est où ? C'est au Travendo. Ah bah voilà, ce sera bien que tu le dises. Ah. Ce serait sympa. Voilà, et le morceau que vous entendez, c'est tiré de leur dernier album, Dissociation. Allez les voir tant qu'ils sont encore ici. Enfin, tant qu'ils sont encore en vie. Non, pas encore en vie, mais tant que le groupe existe toujours. Parce qu'il se dirait que... Ouais, il se dit qu'ils vont se séparer, mais bah, c'est depuis, comme Scorpion. Depuis un hein. an, depuis un an ils font une Scorpion tournée, va jouer là aux arènes de Nîmes, hein, donc ça fait 10 ans qu'ils font leur tournée d'adieu. Ça fait 10 ans qu'ils passent aux arènes de Nîmes, toujours au même moment. Enfin. Voilà, allez, on continue dans les nouveautés. Vous pouvez nous envoyer vos photos de vacances, hein, parce que ceux qui sont déjà au Hellfest et qui écoutent l'émission via leur portable, si vous faites ça. C'est possible, c'est avec possible. L'application Radio Biz. C'est possible, c'est possible. Eh bien, nous allons vous diffuser encore des nouveautés. Nous commençons avec Entrails, tiré de leur album World Inferno. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir est le titre... World Inferno. Bravo, monsieur Tom. Sorti chez Metal Blade, ça sort demain. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le groupe ? C'est le cinquième album, il contient 10 titres. Et ils nous viennent de Suède, le pays où il fait un peu plus froid que... C'est un kit. Ah, voilà, aussi. Et ils se sont formés en... 90. Et ils nous font du test metal. Nous enchaînons ensuite encore avec des Allemands. Alors ceux-là, je les porte pas spécialement dans mon cœur, mais bon... Voilà, une fois qu'on les aura passés, on les passera plus, donc ce sera très bien. En plus, c'est un best-of, c'est une compilation qui reprend leurs 25 ans de carrière, si je ne m'abuse. Le groupe s'appelle Edguy, et leur nouvelle compilation s'appelle Monuments. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Raven Black. Ça sort le 14 juillet. Ça sera un vrai, véritable feu d'artifice, tiens. Compilation, 2 CD, 28 titres, avec un DVD de 22 titres. Il y aura quelques inédits dessus, et puis, pas mal de titres de leur carrière. C'est du power mélodique, ils se sont formés en 1992 et ils nous viennent d'Allemagne, comme je vous l'ai dit. Nous enchaînons ensuite avec Radiation Romeos. Le titre de l'album, c'est Radiation Romeos. Et le titre du morceau qu'on va vous diffuser, c'est... Radiation Romeos. Bravo, Tom. C'est bien. On s'est pas foulé sur ce coup-là, mais on s'est dit que ce serait pas mal. Et je crois que c'est l'un des très bons titres de l'album. Ça sort chez Frontiers le 2. C'est sorti le 2 juin. Et c'est le premier album du groupe. Il contient 11 titres. Ils nous viennent des États-Unis. Et on retrouve pas des inconnus à l'intérieur, puisqu'on retrouve le... chanteur de Warrior, groupe américain des années 80, et le guitariste de Billy Idol, l'ex-guitariste de Billy Idol, et de Steve Stevens Atomic Playboys. Vous avez tous reconnu Steve Stevens, bien évidemment. Voilà, l'album est pas mal, il y a plein de guitares, plein de mélodies, c'est vraiment sympa. Bon, après, c'est quand même assez FM. Je sais que vous aimez la musique qui en a ou qui innove un peu. Là, on peut pas dire que ça innove. Mais ça joue bien, donc voilà, à découvrir. Ça s'appelle Radiation Romeos. Et on enchaîne tout de suite, maintenant, sans plus attendre, avec Entrails. Attention les oreilles, ça va faire mal. Thank you. Encore à passer ensemble sur Rockfort Show de 19h30 à 21h30 tous les jeudis sur RadioQuébec.biz. Oui, monsieur. Voilà, on fait des grosses bises à tout le monde. Eric, on te salue bien. Tom, je te salue bien. Qu'on a eu au téléphone tout à l'heure. Je te salue bien. Eric, qu'on a eu au téléphone tout à l'heure parce qu'il a laissé l'émission la semaine dernière. Ouais, mais c'est pas grave. On l'a déjà dit. On va pas l'accabler. Hein, non, il... si. Et en même temps, il est québécois en même temps. Hein. Voilà. Donc on peut le pardonner. Ce serait madame, on dirait rien. Allez, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Entrails suivi de Head Guy. Et on vient de terminer avec Radiation Romeos. J'espère que vous avez aimé, parce que moi j'aime bien la voix du chanteur de Warrior. Et en parlant des Québécois, on n'a pas salué nos amis. Qui ont l'habitude de nous écouter. Qui ça, Hugo ? Mais Hugo, il nous écoute pas, il a des travaux à faire aujourd'hui. Ah. Voilà, il m'a dit, je vous écouterai pas aujourd'hui. La semaine dernière, il nous a pas écouté, c'était pas grave, c'était une rediff. Voilà, donc Hugo, il nous délaisse en ce moment. Alors, on peut saluer quand même John Asher au passage. Ouais, John. Et puis tous les auditeurs, bien sûr. Oui, Tom, bien sûr. Bon. Allez, nous allons enchaîner sur BLVL, c'est ce que vous entendez en fond sonore. Mais le groupe cool. sera en concert le 24... juin, bien entendu, au Bus Palladium. Voilà, ils seront pas tout seuls, ils seront avec Blows Man Down et Youth Incorporated. Voilà, et nous allons continuer encore avec des nouveautés. Alors, des trucs qui font des trous dans la tête avec... Non, pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Nous allons commencer avec Foscore, tiré de l'album Less Irreal Visions. Et c'est le morceau Altars, qui est aussi le clip, je crois, du groupe. Ça s'est sorti le 9 juin chez Season of Mist. C'est le 5e album du groupe, il contient 8 titres. C'est du black metal, mais vous allez voir, c'est sympathique. Ils se sont formés en 1997. Ce sont des Catalans. Eh, bien sûr, ils nous viennent de Barcelone, en Catalogne. Voilà, et nous enchaînons ensuite avec Abandoned Souls, mon cher Tom. Yes, avec leur EP Make It Last, et le titre qu'on entendra s'appelle Make It Last, tout simplement. Tout ça sorti le 29 avril dernier chez Friends ou Friends ? Non, Fiennes, d'accord. Ouais. Fiennes Records. C'est un groupe qui nous vient du Canada. De London, Ontario, ils ont 4 albums à leur actif. C'est pour tous, vous qui êtes femmes ou fans, comme vous voulez. Femmes aussi, ouais, ça marche aussi avec les femmes. Mais c'est surtout pour les fans, hein. Oui, mais vous pouvez être femme aussi de Godsmack. Vous pouvez être fan et femme. Ouais, égal. Ou femme et fan. Mais pas fané en tout cas. Ah non, surtout pas. De Godsmack. De Godsmack, Alice in Chains et After Bridge. Alter Bridge. Ah, ouais. After, c'est après, une fois qu'on aura fini l'émission. Mais, oui, mais excuse-moi, mais là, il faut que je relance le fond sonore. Voilà. C'est un quatuor de hard rock qui s'est formé en 2006. Nous terminons cette page musicale avec Dirty Machine. Mais ils sont forts ce soir dans la programmation. Ils sortent tous des albums super sympas qui ont des noms super ouf parce que là ça s'appelle Discord. Ouais. Et puis quand tu entends le titre, il s'appelle. Bah c'est pareil, c'est Discord. Ouais, c'est Discord. En fait, c'est toi qui t'es pas fait chier. T'as pris que des albums, t'as fait. Non. Moi je tiens le même nom d'album que le titre. J'ai pris le titre qui représentait peut-être un peu. Contrairement à d'habitude où le titre ne représente pas l'album, là j'ai trouvé que le titre représentait l'album. Mmh. Et en plus ça devait être un titre un peu plus court que les autres. Donc c'est pour ça Discord, voilà, c'est sorti chez Zombie Shark Records le 26 mai dernier. Et c'est surtout John qui m'a demandé de le passer, il m'a dit c'est vraiment l'album qu'il faut passer en ce moment. C'est un groupe qui nous vient de Los Angeles, ils ont cet album qui contient 11 titres. Le groupe s'est formé en 2012, c'est un sextet de nu metal. Qu'est-ce que ça s'appelle le nu metal? C'est du néo, c'est pareil? Non, c'est du nu metal, c'est pas du metal, c'est tout nu. Non, c'est, vous allez voir, il y a un peu de rap dedans. Enfin, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. C'est mais du nu metal. Ouais, c'est bizarre. Les influences, bah voilà, on va vous les donner. Hein. C'est Korn, Limp Bizkit, Slipknot, Linkin Park, No Point et Motherwell and Seven Dust. Voilà, donc vous avez compris avec tout ça. Oui, en même temps, quand tu vois tout ça. Voilà. En gros, c'est un groupe qui pourrait faire le Hellfest cette année. Quoi. Ah oui, ils auraient. Non, le Download. Le Hellfest, peut-être pas, mais ils auraient pu aller au Download. Le groupe s'appelle donc Dirty Machine. Bah d'ailleurs, Download, moi je fais un big up au Download 45. Voilà. 45 minutes. Ah oui, c'était le chiffre hein, du Download. Le chiffre du Download, après, 45 minutes pour rentrer, 45 minutes. Mettez où vous voulez, il passe partout. Ah oui, ça passe partout. Pour aller aux chiottes, 45 minutes. Pour chier, 45 minutes. Pour manger, 45 minutes. Pour faire la queue, 45 minutes. Enfin bref, il paraît que c'était le chiffre. Et les concerts duraient 45 minutes. Non, ils duraient une heure, je crois, les concerts. Mais sinon, voilà, c'était 45 minutes. Donc, il paraît que pour rentrer, vous avez mis beaucoup plus de temps parce qu'il y avait des problèmes dans le RER. Pour ceux qui rentraient en RER. Enfin bref, bon, voilà, le Download. L'année prochaine, il paraît que ça tombe en même temps que le Hellfest. Ah bah, ça va être du pauvre, ça va être ah ouais, ils ont même pas... Non, mais c'est ce qu'on nous a dit, hein. Maintenant, ouais, on n'a pas encore les dates, hein. C'est toujours moi, j'ai envie de dire, c'est toujours les bruits de couloir. Hein. Allez, on vous laisse en musique avec... qui c'est qu'on a dit tout à l'heure? Eh ben, oui, c'est ça, hein. On avait dit avec Foscore, Abandoned Souls, et Dirty Machine. Allez, musique, c'est parti. I'm sorry. Walked away, all we ever had. de retour dans les studios à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs, 19h30, 21h30 et en direct sur radioquebec.biz à 13h30 à 15h30 à voilà. Local. Et rediffusé le soir à 20h30 jusqu'à 22h30 et à 4h30 du matin pour nous. Voilà. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être à peu près ça. Vous venez d'écouter donc Fastcore, nous avons continué avec Abandoned Souls et nous avons terminé avec Dirty Machine, groupe un peu metal, rap, enfin bon, voilà, ça passe pas toujours très bien, mais bon. À la fin c'est cool. Ouais. Parce qu'on arrive à la fin. Non. Et ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Viri Dance, Viri Dance. Hein, c'est un album qui s'appelle Hansel, Gretel et la Strega Cannibale. C'est d'espagnol ça. Ouais, je pense. Alessandria. C'est où Alessandria? Alessandria, oui, ça doit être Espagne. Espagne, Grèce, ouais. C'est un truc comme ça, non? Ouais, je sais pas. En tout cas, ça sort chez Do It demain. Ça sort demain. Le groupe s'est formé en 1983. Ils sont donc d'Alessandria. Et c'est un album concept sur les contes de fées et sur le cannibalisme. Eh ouais. Ah, c'est vrai, encore tu me dis conte de fées, je te dis, ah bah quand tu vas en Hansel Gretel. Ouais, et sur le cannibalisme, c'est marqué Cannibale. Cannibale. C'est marqué. Cannibale. Hein, on vous en reparlera de ce groupe parce que bon, c'est peut-être intéressant, on va se pencher dessus. Là, je l'ai mis juste pour combler un petit peu puis finir l'émission. C'est bien quand tu parles de cannibale. Hein. Surtout avec le titre qu'on va entendre pour reprendre derrière. Ouais, alors là, c'est Anjou Démon de Torgen, c'est ça? Ouais. Et c'est tiré de l'album Fort. Chez Brennus, c'est sorti en mars 2017, on ne l'avait pas encore passé, on vous en avait parlé, mais on ne l'avait pas encore passé. On a été les voir. Voilà, et on avait été les voir donc à FIM. Et c'est le quatrième album du groupe, il contient 10 titres. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? C'est un groupe de Picardie. C'est du chant français, c'est du synthé, c'est du mélodique, synthé, violon. Ouais, synthé, violon, il y a deux chants. Il y a une voix féminine dans le chant, voilà. Donc c'est cool, c'est à... Oh, c'est cool, ça casse. C'est sympa. C'est ce qu'on avait dit, hein. Rappelle-toi. C'était, ça s'est formé en 1900. Bah, c'est du live, après le live, tu l'apprécies pas pareil que sur un album. Enfin, ils nous viennent de l'an. Non, l'an combien? L'an 1998. À quelle vitesse? À quelle vitesse? J'en sais rien, mais c'est très lent. Voilà. Et nous terminerons avec Carnicera, qui vient de nous envoyer son nouvel album qui s'appelle Sabbat Noir. Le titre, alors je sais pas ce que c'est N-A-T-A-S. Nataz, mais je sais pas ce que ça signifie, parce que je me suis pas encore assez bien penché sur l'album. Il est sorti le 2 juin. C'est le troisième album du groupe. C'est un quartet de thrash metal électro formé en 1999. Ils nous viennent de Dunkerque. Ouais, Dunkerque. Dunkerque. Voilà. Et si vous êtes sage, vous aurez le droit à Accept pour terminer, tiré de leur tout prochain album. Ils sont toujours sages. Qui sortira le 4 août et qui s'appelle The Rise of Chaos. Alors pourquoi je passe juste le titre The Rise of Chaos? Bah c'est parce que c'est le seul que j'ai. Donc c'est aussi le titre éponyme de l'album. Ça sort chez Nuclear Blast. Et c'est le 15e album studio du groupe. Voilà. Donc nous, on reviendra sur Accept pour vous dire au revoir. Mais pour l'instant, on vous laisse avec... on a le temps? Ouais, on les laisse. Hein, on les laisse avec Torgen et puis... et puis qui? Torgen et puis Carnicera. Tom, un peu, suis un peu. Non, je te laisse te démerder. Vas-y. Allez, ram. Allez, Torgen, c'est parti. C'est pas ça. Ça veut pas. Envoie-moi Torgen là, dépêche-toi. Balance Torgen. Voilà. Hors du train. Hors du studio. Allez, c'est parti. Pour moi. se vide. Son âme dérive. De son corps livide. Je crois en toi, quoi qu'il en soit. Emmène-moi, trace ma voix. Oh, toi ma belle, toi ma princesse. Brisons ses chaînes, une promesse. Ange ou démon, tu te perds entre le vrai et le faux. Ange ou démon, tu risques fort d'y laisser ta peau. tour pour se dire au revoir au son de Océan, puisque nous avons trouvé la première partie du concert de demain soir, c'est Irmin Soul, les gens de Compiègne, je crois que ça, ils viennent de Compiègne. Hein. Donc voilà, Irmin Soul sera en première partie, c'est très très bien Irmin Soul, vraiment excellent sur scène. Donc allez les voir à la Dame de Canton demain soir avec Océan. Demain soir j'ai quelque chose d'autre à faire. T'as piscine ? Ouais, j'ai piscine et surtout je ne pourrais pas y aller. Donc il m'a dit de absolument venir. Alors oui, parce qu'il y a l'after et tout. Bah, moi ce qui m'intéresse c'est les concerts, les afters, j'en ai franchement rien à battre. Mais moi je suis pas très people, hein. je suis vraiment l'amour de la musique avant tout. Tout ce qui est people. Par contre tout ce qui est popole, surtout le mien, hein, mon popole à moi. Allez, Tam, c'était rock. C'était fort. C'était chaud, c'était le c'était rock for show. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, avec Pascal Mulot. En direct. Ouais, en direct, avec Pascal Mulot, qui viendra nous parler de son concert du 30 juin, hein, puisqu'il sera avec Patrick Ronda, avec pas mal de personnes. Et ça en hologramme au Québec en même temps ou pas, en concert? Je sais pas, non, je crois pas. Pour le coup, je crois pas. Et donc on va se quitter avec, comme on vous l'avait promis tout à l'heure, un tout nouveau titre du groupe Accept, tiré de leur tout nouvel album qui sortira le 4 août. Ça s'appelle The Rise of Chaos. Et on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bon concert, bon festival pour ceux qui bien sont sûr, au Hellfest. Hein. Bien sûr, ou bon ceux qui y vont demain. Et voilà. Allez, Rock for Show, c'est fini. On vous laisse avec Accept. Bye bye. Ciao.